11. Le livre du combat dans le sentier d'Allah. Jihad. Chapitre 234. Le mérite du Jihad. Allah Ta'ala dit: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Combattez les polythéistes sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Sourate 9, verset 36. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Sourate 9, verset 41. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Sourate 9, verset 111. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est clément et miséricordieux. Sourate 4, versets 95 et 96. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours venant d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Sourate 61, versets 10 à 13. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux et bien connus. Quant aux traditions prophétiques montrant le mérite du djihad, elles sont trop nombreuses pour pouvoir être toutes rapportées. Nous nous contenterons donc d'en citer quelques-unes. 1285. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam fut interrogé. Quelle est la meilleure des œuvres? Il répondit, la foi en Allah et en son messager. On demanda, et ensuite? Il répondit alayhi salatu wassalam, le combat dans la voie d'Allah, le djihad. On demanda à nouveau, et ensuite? Il répondit, un pèlerinage pur de tout péché, mabrour. Al-Bukhari et Muslim. 1286. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rapporte avoir interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Quelle œuvre est la plus aimée d'Allah, ta'ala? Il me répondit, la prière accomplie en son temps. Je dis, et ensuite? Il répondit, la piété envers les parents. Je continuai, et ensuite? Il répondit, le combat pour la cause d'Allah. Al-Bukhari et Muslim. 1287. Abu Dhar, radiyallahu anhu, rapporte avoir interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Quelle est la meilleure des œuvres? La foi en Allah et le djihad pour sa cause, répondit-il, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari et Muslim. 1288. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: partir au djihad le matin ou le soir est meilleur que ce monde et ce qu'il contient. Al-Bukhari et Muslim. 1289. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, un homme interrogea le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Quel est le meilleur des hommes, ô messager d'Allah? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant qui combat corps et bien pour la cause d'Allah. L'homme ajouta, et puis après, il dit, puis un homme qui se retire en haut d'une montagne pour adorer son Seigneur et qui préserve les gens de son propre mal. Al-Bukhari et Muslim. 1290. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Consacrer un seul jour à monter la garde pour protéger les musulmans de l'ennemi est préférable à ce bas monde et ce qu'il contient. L'équivalent de la place du fouet de l'un d'entre vous au paradis est meilleur que ce monde et tout ce qui s'y trouve. Et aller au combat dans le sentier d'Allah, ta'ala, le matin ou le soir, est meilleur pour le serviteur d'Allah que ce bas monde et ce qu'il contient. » Al-Bukhari et Muslim. 1291. Salman, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Il est préférable de monter la garde pour protéger les musulmans de l'ennemi une journée et une nuit que de jeûner le jour et veiller la nuit pendant un mois entier. Celui qui meurt en montant ainsi la garde verra les œuvres qu'il avait l'habitude d'accomplir et sa subsistance se perpétuer au-delà de la mort, et il sera en outre préservé des épreuves de la tombe. » Muslim. 1292. Selon Fadala ibn Ubayd, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque meurt voit ses bonnes actions s'arrêter, à l'exception de celui qui monte la garde, ribat. En effet, les œuvres de ce dernier vont en grandissant jusqu'au jour de la résurrection, et il sera en plus préservé des épreuves de la tombe. » Abu Daoud. Et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ». 1293. Uthman, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Un jour passé à monter la garde, ribat, est meilleur que 1000 jours consacrés à d'autres occupations. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ». 1294. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah garantit à quiconque sort pour combattre dans son sentier et uniquement pour cette raison, et par foi en Allah et en ses messagers, qu'il le fera entrer au paradis ou bien le fera revenir chez lui avec ce qu'il a obtenu comme récompense ou comme butin. Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, quiconque est blessé dans le sentier d'Allah viendra le jour de la résurrection portant la même blessure qui aura la couleur du sang, mais l'odeur du musc. Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, s'il n'y avait la crainte de causer une gêne aux musulmans, j'aurais participé à toutes les expéditions dans le sentier d'Allah. Or, je n'ai pas les moyens de les équiper, pas plus qu'eux-mêmes, et il leur serait douloureux de rester à l'arrière. Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, j'aimerais combattre dans le sentier d'Allah et être tué, puis combattre et être tué à nouveau, puis combattre encore et être tué. » Muslim et Al-Bukhari en partie. 1295. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque est blessé dans le sentier d'Allah viendra le jour de la résurrection portant la même blessure en sang. Sa couleur sera celle du sang, mais son odeur, celle du musc. » Al-Bukhari et Muslim. 1296. D'après Mu'adh, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit tout musulman participant au djihad, ne serait-ce qu'une courte période, littéralement le temps qui s'écoule entre deux traites d'une chamelle, est assuré d'entrer au paradis. Quiconque est blessé dans le sentier d'Allah, ou bien y subit une quelconque épreuve, viendra le jour de la résurrection avec la même blessure qui saignera plus que jamais. Elle aura la couleur du safran et l'odeur du musc. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ». 1297. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, l'un des compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, franchit un col de montagne où il vit une source d'eau fraîche qui lui plut. Il se dit alors, pourquoi ne pas m'isoler des gens et m'installer dans ce col? Mais je n'en ferai rien avant d'en avoir demandé l'autorisation au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il consulta donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, qui lui répondit, n'en fais rien. Car le djihad de l'un d'entre vous est meilleur pour lui que de prier 70 ans chez lui. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne et vous ouvre les portes du paradis? Combattez dans le sentier d'Allah, car quiconque participe au djihad ne serait-ce qu'une courte période, littéralement le temps qui s'écoule entre deux traites d'une chamelle, est assuré d'entrer au paradis. At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan. 1298. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, on demanda au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Indique-nous une œuvre qui offre la même récompense que le djihad. » Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Vous ne pourrez jamais l'accomplir. » On répéta la question à deux ou trois reprises, mais sans que la réponse varie d'un pouce. « Vous ne pourrez jamais l'accomplir. » Et d'ajouter, « Celui qui part au combat pour Allah est semblable à celui qui ne cesse de jeûner le jour, de prier la nuit, récitant et obéissant aux versets d'Allah sans jamais faiblir, et ceci tant que le Mujahid n'est pas de retour chez lui. » Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version. Selon la version d'Al-Bukhari, un homme dit « Ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui offre la même récompense que le djihad. » Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Je n'en trouve pas. » Avant d'ajouter, « Peux-tu, lorsque le Mujahid part en combat, te retirer à la mosquée, puis y veiller en prière sans faiblir et y jeûner jour après jour ?»« Qui le pourrait ?» lança l'homme. 1299. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « La meilleure vie est celle d'un homme qui saisit les rênes de son cheval dans le sentier d'Allah pour le djihad, s'élançant au galop chaque fois qu'il entend l'appel à la guerre et désirant mourir en martyr. Ou bien celle d'un homme qui se retire avec quelques moutons au sommet de l'une de ses montagnes ou au cœur de l'une de ses vallées. Il accomplit la salat, s'acquitte de la zakat et ne cesse d'adorer son Seigneur jusqu'à ce que lui vienne la certitude, la mort. » Et il est en paix avec les gens lorsqu'il les fréquente. Muslim. 1300. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y a au paradis 100 degrés qu'Allah a préparé aux Mujahidin, la distance entre chaque degré équivalente à celle qui sépare le ciel de la terre. » Al-Bukhari. 1301. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque agrée Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Muhammad comme messager est assuré d'entrer au paradis. » Émerveillé par de tels propos, Abu Sa'id demanda au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de les lui répéter. Il le fit donc avant d'ajouter « Il y a aussi autre chose par laquelle Allah élève de 100 degrés le rang de ses serviteurs au paradis. » La distance entre chaque degré équivalente à celle qui sépare le ciel de la terre. « Laquelle est-ce, ô messager d'Allah ?» demanda Abu Sa'id. « Le djihad pour la cause d'Allah » répéta-t-il par deux fois, alayhi salatu wassalam. Muslim. 1302. Abu Bakr, le fils d'Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu son père dire face à l'ennemi, « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, les portes du paradis se trouvent à l'ombre des sabres. » Un homme vêtu misérablement se dressa alors et dit « Ô Abu Musa, as-tu entendu en personne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire cela ?» Abu Musa répondit par l'affirmative. L'homme rejoignit alors ses compagnons et leur lança « Je vous salue. » Puis il brisa le fourreau de son sabre et le jeta à terre avant de se diriger vers l'ennemi, sabre en main, frappant l'ennemi jusqu'au martyr. Muslim. 1303. Selon Abu Abz, Abdurrahman ibn Jabr, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Aucun pied, s'étant couvert de poussière dans le sentier d'Allah, ne sera touché par le feu de l'enfer. » Al-Bukhari. 1304. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Aussi longtemps que le lait ne pourra retourner dans la mamelle, « celui qui a pleuré par crainte d'Allah ne pourra entrer en enfer. De même ne se mélangeront jamais chez un serviteur d'Allah la poussière soulevée dans le sentier d'Allah, le djihad, et la fumée de l'enfer. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1305. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Deux yeux ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer. » L'œil de celui qui a pleuré par crainte d'Allah et l'œil de celui qui a monté la garde toute une nuit dans le sentier d'Allah. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 1306. D'après Zayd ibn Khalid, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui équipe un combattant dans le sentier d'Allah obtient la récompense de ce dernier et celui qui prend en charge la famille d'un combattant obtient la récompense de ce dernier. Al-Bukhari et Muslim. 1307. D'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « La meilleure des aumônes consiste à équiper le combattant dans le sentier d'Allah d'une tente grâce à laquelle il peut se protéger du soleil, de mettre à son service un domestique ou de mettre à sa disposition une chamelle comme monture pour le djihad. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1308. D'après Anas, radiyallahu anhu, un jeune homme de la tribu des Aslam a dit « Ô messager d'Allah, je désire partir au djihad, mais je n'ai pas de quoi m'équiper. » Il lui répondit, alayhi salatu wassalam, « Va voir un tel, car il s'était préparé pour partir au combat, mais il est tombé malade. » Le jeune homme se rendit effectivement auprès de lui et dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, te transmet son salut, son salam, et t'ordonne de me donner ton équipement. » L'homme dit alors à sa femme « Et toi, donne-lui ce que j'ai préparé pour le combat et n'en garde rien. Par Allah, si tu en gardes une partie, cela ne te sera pas béni. » Muslim. 1309. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu relate que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam envoya une expédition contre les Banu Lihyan en disant qu'un homme sur deux parte au combat et la récompense sera partagée entre les deux. Muslim. D'après une autre version de Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme sur deux parte au combat et d'ajouter à l'intention de ceux qui allaient rester, quiconque parmi vous prend en charge la famille et les biens d'un combattant obtient la récompense de ce dernier. 1310. D'après Al-Bara, radiyallahu anhu, un homme vêtu de son armure vint interroger le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Dois-je combattre ou d'abord me convertir à l'islam? Le messager, alayhi salatu wassalam, lui répondit, deviens musulman et seulement ensuite participe au combat. L'homme se convertit à l'islam, prit part au combat, puis tomba en martyr. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit alors, il a accompli peu de choses, mais sa récompense est énorme. Al-Bukhari, dont c'est la version, est Muslim. 1311. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, personne parmi ceux qui entreront au paradis ne désirera revenir dans ce monde, même si tout ce qui s'y trouve lui était proposé, excepté le martyr, qui souhaitera y retourner et être tué 10 fois. Pour ce qu'il voit comme honneur réservé aux martyrs. Dans une autre version, pour ce qu'il voit comme mérite du martyr. Al-Bukhari et Muslim. 1312. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah efface tous les péchés du martyr, à l'exception de ses dettes. » Muslim. Dans une autre version de Muslim, le martyr efface tous les péchés, sauf les dettes. 1313. D'après Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se leva un jour au milieu des compagnons et leur confia que le djihad et la foi en Allah étaient les actes les plus méritoires. Un homme se leva et demanda, « Ô messager d'Allah, si je suis tué pour la cause d'Allah, mes péchés me seront-ils effacés ?» « Oui, répondit-il, alayhi salatu wassalam, si tu es tué pour la cause d'Allah, en étant endurant au combat, rempli d'espoir quant à la récompense d'Allah et faisant face à l'ennemi, non en fuyard. » Le prophète sallallahu alayhi wasallam lui demanda, « Que dis-tu ? » L'homme réitéra sa question, « Si je suis tué pour la cause d'Allah, mes péchés me seront-ils effacés ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam répondit alors, « Oui, si tu es endurant au combat, rempli d'espoir quant à la récompense d'Allah et face à l'ennemi, non en fuyard, excepté les dettes, dont tu ne t'es pas acquitté de ton vivant et dont tu devras rendre compte. C'est Gabriel qui m'en a informé. » Muslim. 1314. Selon Jabir, radiyallahu anhu, un homme interrogea le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de la bataille d'Uhud. Où irai-je si je meurs aujourd'hui? Au paradis, répondit-il alayhi salatu wassalam. L'homme jeta alors les quelques dattes qu'il tenait à la main, puis combattit jusqu'à la mort. Al-Bukhari et Muslim. 1315. Anas radiyallahu anhu rapporte ceci. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et ses compagnons arrivèrent à Badr avant les polythéistes. Lorsque ces derniers les y rejoignirent, Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ne faites rien tant que je ne suis pas devant vous ». Les païens s'approchèrent alors et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Levez-vous vers un paradis aussi large que les cieux et la terre ». « Ô messager d'Allah, vraiment, aussi large que les cieux et la terre ?» demanda Omer ibn al-Humam al-Ansari, radiyallahu anhu. « Oui, répondit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. « Waouh !» s'exclama Omer. « Qu'est-ce qui te pousse à t'exclamer ainsi ?» demanda le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. « Par Allah, rien, ô messager d'Allah, si ce n'est l'espoir d'être l'un de ses habitants, » répondit-il. « Tu es l'un d'entre eux. » lui annonça le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Omer sortit alors quelques dattes de son carquois qu'il commença à manger, mais s'arrêta en disant « Manger toutes ces dattes me fera vivre trop longtemps ». Il jeta alors à terre les dattes qui lui restaient et combattit l'ennemi jusqu'à la mort. Muslim. 1316. Anas, radiyallahu anhu, a dit Des gens vinrent demander au prophète alayhi salatu wassalam de leur envoyer des hommes pour leur enseigner le Coran et la Sunna. Il leur envoya donc 70 hommes parmi les Ansar, surnommés les lecteurs, al-Qurra, et parmi lesquels se trouvait mon oncle maternel, Haram. La nuit, ceux-ci récitaient le Coran, l'étudiant et l'apprenant, tandis que le jour, ils apportaient de l'eau à la mosquée et ramassaient du bois qu'ils vendaient comme de la nourriture destinée aux gens de la Souffa, endroit de la mosquée du prophète où trouvaient refuge les pauvres et aux autres nécessiteux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les envoya donc, mais le groupe les attaqua en chemin, les assassinant du premier au dernier avant leur arrivée à destination. Avant de succomber, ils dirent « Ô Allah, informe notre prophète que nous t'avons rencontré en t'agréant et alors que tu nous agrées. » L'un des narrateurs ajouta « Un homme attaqua Haram, l'oncle de Anas, par derrière. » le transperçant avec sa lance de part en part. Haram lança alors « Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai gagné ». Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit alors à ses compagnons « Vos frères viennent d'être assassinés » et ils ont dit avant cela « Ô Allah, informe notre prophète que nous t'avons rencontré en t'agréant et alors que tu nous agrées. » Al-Bukhari et Muslim dont c'est la version. 1317. Anas radiyallahu anhu rapporte « Mon oncle, Anas ibn Nadr, n'a pas participé à la bataille de Badr. » Il dit « Ô messager d'Allah, j'ai manqué ta première bataille contre les polythéistes. Si Allah m'accordait une autre occasion de les combattre, il verrait ce dont je suis capable. » Lors de la bataille d'Uhud, voyant les musulmans quitter leur position, il s'exclama « Mon Seigneur, je m'excuse pour ce qu'ont fait ceux-ci, c'est-à-dire ses compagnons, et je renie ce qu'ont fait ceux-là. » c'est-à-dire les polythéistes. Puis il s'avança vers l'ennemi et rencontra Sa'd ibn Mu'adh, à qui il dit « Ô Sa'd ibn Mu'adh, je jure par le Seigneur d'An-Nadr que je sens l'odeur du paradis plus proche encore que le mont Uhud. » Sa'd avoua « Ô messager d'Allah, je n'ai pu faire ce qu'il fit. » Anas ajouta « Nous avons trouvé sur son corps plus de 80 traces de sabre, de lance ou de flèche. Nous l'avons trouvé mort et défiguré par les polythéistes, au point que personne ne put le reconnaître en dehors de sa sœur, qui l'identifia à ses doigts. » Anas poursuivit, « Nous pensions que ce verset était descendu à son sujet et à propos des hommes comme lui. Il est parmi les croyants des hommes qui ont pleinement tenu leur engagement vis-à-vis d'Allah. Certains ont atteint leur but, et d'autres... » Sourate 33, verset 23. Al-Bukhari et Muslim. 1318. D'après Samura, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « J'ai vu cette nuit en rêve deux hommes me faire monter sur un arbre, puis m'introduire dans une demeure plus belle que toutes celles que j'avais vues jusqu'alors. Cette maison est celle des martyrs, » m'annoncèrent-ils. Al-Bukhari. 1319. D'après Anas, radiyallahu anhu, Umar Rubayya bintul Bara, la mère de Haritha ibn Suraqa, radiyallahu anhum, alla trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant « Ô messager d'Allah, parle-moi donc de Haritha, qui fut tué à la bataille de Badr. S'il est au paradis, je ferai preuve de patience, sinon je le pleurerai comme je peux. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui dit, « Ô mère de Haritha, le paradis est constitué de jardins, et ton fils a obtenu le plus haut degré du paradis. » Al-Firdaus al-A'la. Al-Bukhari. 1320. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, a dit: le corps mutilé de mon père fut emmené au prophète, alayhi salatu wassalam. Je voulus alors dévoiler son visage, mais les gens m'en empêchèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les anges n'ont cessé de le couvrir de leurs ailes. Al-Bukhari et Muslim. 1321. Selon Sahl ibn Hunayf, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Allah Ta'ala accorde le rang de martyr à celui qui le lui réclame sincèrement, même s'il meurt dans son lit. Muslim. 1322. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque demande sincèrement le martyr l'obtiendra même s'il n'est pas tué sur le champ de bataille. Muslim. 1323. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: le martyr ne souffre au moment de la mort que comme l'un d'entre vous qui se fait pincer ou piquer. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan Sahih. 1324. Abdullah ibn Abi Awfa, radiyallahu anhuma, rapporte: alors qu'il se trouvait face à l'ennemi, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, attendit que le soleil déclina, puis se tint au milieu de ses compagnons auxquels il déclara: ô gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et implorez Allah de vous préserver de tout mal. Mais si vous devez le rencontrer, alors soyez endurants au combat et sachez que le paradis se trouve à l'ombre des sabres. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, invoqua Allah en disant: ô Allah, toi qui as fait descendre le livre, qui déplace les nuages et qui a vaincu les coalisés, anéantis-les et accorde-nous la victoire sur eux. Al-Bukhari et Muslim. 1325. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les invocations sont, à deux moments particuliers, toujours ou presque toujours exaucé, après l'appel à la prière et quand le combat fait rage. Abu Daoud avec une chaîne authentique. 1326. Selon Anas, radiyallahu anhu, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, partait au combat, il avait l'habitude de dire: ô Allah, tu es celui qui me soutient et me donne la victoire. Grâce à toi, je me déplace, j'attaque et je sors vainqueur. Et grâce à toi, je combats. Allahumma anta adudi wa nasiri bika ahoul wa bika asoul wa bika uqatil. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan. 1327. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam craignait des gens, il disait: ô Allah, nous te plaçons entre eux et nous, et nous cherchons refuge auprès de toi contre leur mal. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques. 1328. D'après Ibn Omar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: il y aura du bien, littéralement le bien est attaché à la crinière des chevaux, dans les chevaux jusqu'au jour de la résurrection. Al-Bukhari et Muslim. 1329. D'après Urwa al-Bariqi, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: il y aura du bien, littéralement, le bien est attaché à la crinière des chevaux, dans les chevaux jusqu'au jour de la résurrection, qu'il s'agisse de la récompense, de sa mise à disposition pour le djihad, ou le butin qu'il permet d'obtenir. Al-Bukhari et Muslim. 1330. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque prépare un cheval pour le djihad par foi en Allah et en sa promesse sera récompensé le jour de la résurrection pour tout ce que mange et boit ce cheval ainsi que pour ses crottins et ses urines. Al-Bukhari. 1331. Abu Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte qu'un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, avec une chamelle portant un mort au museau, en disant: j'offre ceci pour le combat dans la voie d'Allah. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: tu auras en récompense au jour de la résurrection 700 chamelles, chacune avec son mort au museau. Muslim. 1332. Uqba ibn Amir al-Juhani, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire du haut du mimbar « Préparez contre eux, l'ennemi, toutes les forces dont vous disposez. Et sachez que la force consiste à bien tirer. La force consiste à bien tirer. La force consiste à bien tirer. » Muslim. 1333. Uqba ibn Amir al-Juhani, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Allah vous fera conquérir des territoires et vous suffira pour assurer vos moyens de subsistance, mais qu'aucun d'entre vous ne néglige l'entraînement au tir. » Muslim. 1334. D'après Uqba ibn Amir al-Juhani, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque fut initié au tir puis l'a délaissé n'est pas des nôtres. » Ou a désobéi. Muslim. 1335. Uqba ibn Amir al-Juhani, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Allah fera entrer trois personnes au paradis pour une seule flèche, celle qu'il a taillée en espérant en être récompensé, celle qu'il a tirée et celle qu'il a tendue à l'archer. Pratiquez donc le tir à l'arc et chevauchez vos montures. Mais je préfère vous voir pratiquer le tir que chevauchez vos montures. Et quiconque délaisse par négligence le tir après y avoir été initié aura abandonné un bienfait ou aura fait montre d'ingratitude face à ce bienfait. » Abu Daoud. 1336. Salama ibn al-Aqwa' radiyallahu anhu relate ceci. Le prophète alayhi salatu wassalam passa près d'un groupe de gens qui rivalisaient d'adresse au tir à l'arc et leur dit « Tirez à l'arc, ô fils d'Ismaïl, c'est-à-dire les Arabes, car votre père, ancêtre, pratiquait le tir à l'arc. » Al-Bukhari. 1337. Amr ibn Abasa, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Celui qui tire une flèche dans le sentier d'Allah aura la récompense de celui qui a affranchi un esclave. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1338. D'après Abu Yahya Khuraym ibn Fatik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque fait une dépense pour la cause d'Allah en sera récompensé 700 fois. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 1339. D'après Abu Sa'id, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Nul ne jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans qu'Allah n'éloigne en récompense son visage du feu d'une distance qu'il faudrait 70 ans pour parcourir. » Al-Bukhari et Muslim. 1340. Selon Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah mettra entre lui et le feu un fossé large comme l'espace séparant le ciel de la terre. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1341. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui meurt sans avoir combattu pour la cause d'Allah, ou au moins y avoir pensé, meurt avec l'une des caractéristiques de l'hypocrite. » Muslim. 1342. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte ceci. Nous étions en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, dans une expédition lorsqu'il nous dit « Il y a des hommes à Médine qui, à chacune de vos progressions et à chaque vallée que vous avez traversée, étaient avec vous. En effet, seule la maladie les a retenus. » Dans une autre version, « En effet, des raisons valables les ont retenus. » Dans une autre version encore, « Ils sont associés avec vous dans la récompense. » Al-Bukhari, selon Anas, est musulman, dont c'est la version d'après Jabir. 1343. D'après Abu Moussa, radiyallahu anhu, un bédouin se présenta au prophète, alayhi salatu wassalam, et le questionna. « Ô messager d'Allah, un homme qui combat pour le butin, un autre qui combat pour être cité en exemple, et un troisième qui combat pour montrer sa valeur, lequel combat dans le sentier d'Allah ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit « Celui qui combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est celui-là qui combat dans le sentier d'Allah. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, « Un homme qui combat par bravoure et un autre pour l'honneur de son clan. » dans une autre version encore, un homme qui combat poussé par la colère. 1344. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Chaque membre d'une expédition ou d'un détachement militaire qui revient du combat sain et sauf et avec un butin aura d'ores et déjà obtenu les deux tiers de sa récompense. Et chaque membre d'une expédition ou d'un détachement qui revient sans butin après avoir subi des pertes recevra sa pleine récompense dans l'au-delà. » Muslim. 1345. Abu Umama, radiyallahu anhu, relate qu'un homme demanda au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'autorisation de voyager à travers le monde. Les voyages de ma nation se trouvent dans le djihad pour la cause d'Allah, azza wa jal, répondit-il, alayhi salatu wassalam. Abu Daoud, avec une bonne chaîne, isnad. 1346. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: le retour d'une expédition rapporte la même récompense que l'expédition elle-même. Abu Daoud, avec une bonne chaîne, isnad. 1347. Sa'ib ibn Yazid, radiyallahu anhu, a dit: le prophète, alayhi salatu wassalam, fut accueilli au retour de la bataille de Tabouk par les gens, et je suis moi-même allé à sa rencontre au milieu des enfants à Thaniyatil Wada', au nord de Médine. Abu Daoud, donc c'est la version avec une chaîne authentique, et Al-Bukhari. 1348. D'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui n'a jamais pris part au combat, ou équipé un mujahid, ou pris en charge la famille d'un homme parti au djihad, sera frappé d'un malheur avant le jour de la résurrection. Abu Daoud, avec une chaîne authentique. 1349. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: combattez les polythéistes avec vos biens, corps et âme, et par vos langues. Abu Daoud, avec une chaîne authentique. 1350. An-Nu'man ibn Muqarrin, radiyallahu anhu, a dit: j'ai remarqué que lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'engageait pas le combat en tout début de journée, il attendait que le soleil commençât à décliner et que le vent se leva dans l'après-midi, puis que la victoire vint. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. 1351. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et implorez Allah de vous préserver de tout mal. Mais si vous devez le rencontrer, alors soyez endurant au combat. Al-Bukhari et Muslim. 1352. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: la guerre est l'art de tromper l'ennemi. Al-Bukhari et Muslim.